Les enfants sont un prolongement de l'existence des pères, et c'est encore parler dignement d'Edmé R que de présenter le tableau des vertus de ses deux fils aînés. Edmé Nicolas est le second des enfants d'Edmé R. On peut dire de lui ce qu'on lit dans la vie de presque tous les saints canonisés, qu'il fut vertueux dès l'enfance. Ce qui est d'autant plus étonnant qu'il joignait à beaucoup de vivacité un esprit peu commun et une très aimable figure. Son ardeur pour l'étude était inconcevable. Il y donnait une partie des nuits et alla jusqu'à incommoder sa santé. Ses progrès furent aussi rapides qu'ils devaient l'être, car si Pertinax labor vincit naturam, un travail opiniâtre la seconde encore bien mieux qu'il ne la surmonte. Il a professé la philosophie pendant plusieurs années au séminaire d'Auxerre, où l'on faisait alors toutes les classes, et les principaux de la ville, presque tous ses élèves, conserve pour lui la plus haute considération. Il fut ensuite vicaire à Vermenton, l'une des plus fortes paroisses du diocèse, et voisine de son lieu natal. Il s'y fit chérir, quoique sa vie fût si retirée qu'il ne paraissait jamais au dehors, que pour remplir les fonctions du Saint-Ministère. Après ce vicariat, il fut nommé à la cure de Courgis, petit bourg voisin de Chablis. Cette paroisse est nombreuse et pauvre. Les habitants ont un caractère difficile, déguisé sous un air assez prévenant, et ils portent la dissimulation et l'entêtement aussi loin que ces deux vices peuvent aller. Une fois pourvu de cette cure, Edmé Nicolas R. s'y est attaché irrévocablement, et s'est cru lié à son église d'une manière indissoluble. Monsieur de Quélus le chérissait. Ce digne prélat, après 10 années d'expérience, fut enchanté de voir que la conduite d'un homme pour lequel il avait toujours eu de la prédilection, répondait parfaitement à ce qu'il en avait espéré. Aussi lui faisait-il les caresses les plus obligeantes lorsque le curé de C allait le voir à Régennes. Et il le nomma un jour, devant une nombreuse assemblée, l'honneur de son clergé. Ce prélat, sachant le bon usage que le jeune curé faisait des revenus de son bénéfice, voulut lui en donner un plus considérable, la cure de Vermenton même, où il avait été vicaire, et où il était aimé. Il lui en fit faire la proposition par M. Creusot, respectable pasteur d'une des paroisses de la ville épiscopale, homme vraiment apostolique, et d'une vertu si pure et si relevée qu'elle est au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. Mais le jeune pasteur répondit à son père spirituel, M. Creusot était son confesseur, qu'il avait épousé l'église de Courgis, et qu'il ne la quitterait qu'à la mort. Le pieux évêque fut édifié de cette réponse, et comme toutes les parties de son troupeau lui étaient également chères, il laissa Edmé Nicolas où il voulait rester. En effet, qu'était-il nécessaire de lui donner une meilleure cure pour le revenu, puisque ce véritable pasteur n'en garde rien? Il est consolant pour notre siècle qu'il se trouve de temps en temps d'espace en espace de ces dignes ecclésiastiques, qui rappellent au clergé, par leur exemple, le véritable emploi des biens consacrés à Dieu. À la vérité, il ne se trouve guère que parmi les curés, ordre aussi respectable qu'utile, et mal partagé de biens temporels. Edmé Nicolas R. ne s'est jamais plaint de cette pauvreté des curés. Au contraire, je l'ai entendu plusieurs fois féliciter ses confrères de ce trait de conformité avec Jésus. Il regardait la pureté des mœurs de la plupart des pasteurs du second ordre, comme un effet de cette heureuse pauvreté dont Jésus fait une loi à ses disciples, et qui est d'obligation étroite pour ses ministres. Voici le tableau de sa conduite, exactement conforme à la vérité, tel que je l'ai déjà tracé dans l'École des Pères, ouvrage auquel on a rendu justice en Allemagne, où on le traduit. Le curé de Courgis se regarde comme le père de tous ses paroissiens, l'arbitre des différends, le consolateur et le secoureur des malades. Il a une maxime qui règle sa conduite dans ses aumônes, c'est de donner le double de ce qu'il a. Ceci va s'éclaircir dans l'instant. Quoiqu'il ait de pauvres parents, il ne leur donne que peu de choses, et voici comment il rendit compte de sa conduite à l'un d'eux qui s'en plaignait. « Je suis gros décimateur du finage. Ma cure rapporte environ 1 500 livres. 500 francs suffisent pour l'entretien de ma maison. Le surplus ne doit pas sortir de ma paroisse, qui est pauvre. Je ne le donne cependant pas. Je prête mon blé et le reste à moitié prix durant l'hiver à mes pauvres, à mes enfants nés. Je le mets en dépôt entre leurs mains. J'emprunte aux riches pour prêter aux plus misérables. Lorsqu'on me rend ma moitié dans la belle saison, je paie ce que l'on m'a avancé. Et si je ne puis suffire, je vais à la ville demander l'aumône, pour que le laboureur n'y aille pas. Et voilà comme il donne plus qu'il ne possède. J'ai adopté ces pauvres gens en acceptant leur cure et le nom de leur pasteur. Comment voudriez-vous que mes prédications fissent la moindre impression sur eux, si je manquais à mes obligations, et si je ne leur donnais pas l'exemple des vertus chrétiennes? Ils savent ce que j'ai, ils n'ignorent pas que mon superflu leur appartient, que je suis pour eux l'image de Jésus-Christ même. Je dois donc les nourrir, m'en faire aimer, pour rendre ma doctrine aimable, ou renoncer à mon bénéfice. Voilà, mon cher parent, tout ce que je puis faire pour vous. Je possède de mon patrimoine 300 livres environ de revenus. Prenez-en cette année, où vous êtes gêné par des malheurs que Dieu a permis pour votre sanctification. Prenez-en la moitié. J'ai déjà disposé de l'autre dans notre famille. Si cela ne suffit pas, je retrancherai quelque chose, non sur la portion de mes enfants, mais sur ma dépense pour vous le donner. C'est avec joie que je ne mangerai que du pain pour aider mes chers parents. Mais si vous étiez à ma place, que vous vissiez au lit de la mort des malheureux qui n'ont d'espérance qu'en vous, à qui vous devez non seulement vos biens, mais votre vie même, suivant l'ordre du saint législateur, pourriez-vous les négliger et croire en Dieu, vous dire chrétien, ministre des autels, curé ? Le parent ne put s'empêcher de convenir que le curé de C faisait son devoir. Cet homme a rendu sa vie plus dure que celle du dernier de ses habitants. Tout l'emploi de son temps est utile. Il se lève à 3 heures du matin et médite l'Écriture sainte pour l'instruction de son peuple jusqu'à 6. Il va ensuite à l'église, s'y prépare pour la messe, qu'il célèbre à 7 heures. Il reste ordinairement dans la maison du Seigneur pour y attendre ceux qui ont besoin de son ministère. Il est à genoux au pied de l'autel. Une cloche que l'on sonne l'avertit de se rendre où il doit éclairer les consciences et donner des avis paternels. Ses soins prennent jusqu'à midi, à moins qu'il n'ait des malades, car alors il sort pour les visiter, et revient ensuite. Il dîne, se promène 1 heure dans son jardin durant l'été, ou dans sa chambre d'hiver, toujours sans feu, lui qui procure du bois à tous ses paroissiens. Il écoute à cette heure-là tous ceux qui ont à lui parler de besoins temporels, et l'après-midi, il exécute ce qu'il faut pour les soulager. Il visite chaque semaine sa paroisse. Sa douceur et sa bonté font désirer cet heureux jour, au lieu de le faire craindre, comme on le dit d'un autre curé qui imite celui de Courgis. Mais qui ne sait pas assaisonner comme lui le bien qu'il fait, et porte toujours sur son front l'indice de la sévérité de ses mœurs. Il a fondé des écoles à ses frais. Elles sont gratuites. Celle des garçons est tenue par THR, qui ne regarde pas cette importante fonction comme au-dessous de lui. Celle des filles l'est par une de nos sœurs, et le sera toujours dans la suite par 2 veuves exemplaires. Mais le curé n'en veille pas moins sur les enfants. Il oblige les parents à les envoyer à l'école, au moins tour à tour, quand on a besoin de leur service. Et comme s'ils s'en trouvent qu'ils sont forcés de se tenir au champ tout le jour, le pasteur va chez eux le soir, les fait lire et écrire lui-même 1 fois par semaine, leur donne les livres et le papier. Les autres jours, il est suppléé par son frère THR, qui l'est à son tour par ceux des paroissiens les plus aisés et les mieux vivants que le pasteur a engagé à consacrer 1 ou 2 heures tous les 8 jours à l'instruction de ses infortunés. Il semble qu'ils soient d'autant plus chers à leur curé qu'ils mènent une vie plus dure et qu'ils ont plus difficilement les moyens de s'instruire. Si on lui demande à quoi sert l'instruction à des gens si pauvres, il répond à leur donner le plus doux des plaisirs, celui de connaître et d'exercer l'intelligence. Plaisir si grand que si l'on proposait à un infortuné de cesser de l'être en perdant ses lumières, il renoncerait plutôt au bonheur. Et voilà pourquoi connaître Dieu parfaitement est l'ineffable bonheur des saints au ciel. Ce n'est pas tout. Il les habille. C'est l'emploi de la dîme du vin dont je n'ai pas parlé. Cette dîme est mal nommée, car elle n'est qu'un 21e ainsi que celle des gerbes. Sur 21, le curé prend la dernière. Dîme plus raisonnable dans sa taxation et dans son application que la nôtre. Cet honnête pasteur encourage les mariages des plus pauvres comme des plus riches. Il dit qu'un individu qui n'a que ses bras est un trésor pour la société, s'il parvient vigoureux à l'âge de 16 à 17 ans et qu'on en fait un homme. Art, métier, présentez-lui ce que vous voudrez. Il embrasse tout avec ardeur, heureux de se procurer du pain par son activité. Un homme actif forme autour de lui, continue le bon curé, un tourbillon, comme on dit qu'en ont les planètes. 10 de ses semblables, au moins, sont mus par l'activité de ce seul homme, et deviennent utiles. Si je conseillais le célibat à quelqu'un, ajoutait-il, ce serait aux opulents, à ces individus qui naissent pour être obéis, pour faire concourir 20, 30, 50 hommes à la conservation de leur inutile et pondéreuse existence. C'est un autre tourbillon que forment ces derniers, bien plus étendu que celui de l'homme utile. Ils emploient 1000 bras pour nourrir, vêtir, délicater un homme. Et l'industrieux nourrit seul 10 hommes, et les fait contribuer à la nourriture de 100 autres. Qu'on ne s'imagine pas que ce seigneur ou ce publicain, qui fait bâtir des châteaux, peindre et dorer des équipages, broder des habits, entretient des catins, et une valetaille plus vile encore. Qu'on ne s'imagine pas que cet homme nourrisse ces gens-là. Il les a arrachés à l'utilité. Ils eussent vécu ailleurs, à moins de frais. Ils eussent contribué au bien général, etc. Le digne curé de Courgis eut une cruelle épreuve à soutenir en 1749, le 22 octobre, je crois. 149 maisons de sa paroisse furent réduites en cendres. Le premier pasteur, M. de Quélus, tendit une main secourable à ces pauvres diocésains. Il les nourrit pendant l'hiver. Le pasteur particulier implora en personne et par des lettres circulaires le secours de tous les pays circonvoisins, et il ne fut pas éconduit. Dans le nombre des curés que l'on visita, il s'en trouva un entre Tonnerre et Courgis qui était un vrai philosophe. Il vivait au jour le jour, ne gardait rien pour le lendemain, et faisait si peu de cas de l'argent qu'il ne daignait pas le serrer. Ce qu'il en possédait était sur le rebord d'une cheminée à l'antique mêlée avec les cendres et la suie. Lorsque l'envoyé de la paroisse incendiée fut entré et qu'il eut annoncé le sujet de sa visite, le curé philosophe se répandit en louange du curé de Courgis, de son frère Thomas R., qui lui sert de vicaire, et du bon chapelain M. Foinat, excellent homme et digne prêtre. Comme tous les paroissiens de ce bon curé étaient aisés, il conduisit l'envoyé de maison, en exhortant à lui donner. De retour chez lui, après l'avoir fait dîner à sa table, il lui dit « Mon cher, voyez sur cette cheminée mon trésorier, nous allons partager. » Il y avait quelques louis. Il obligea l'envoyé de recevoir la moitié de la somme. Il ajouta à ce présent une lettre obligeante et 1000 témoignages d'amitié pour les 3 ecclésiastiques, qu'il n'avait cependant jamais vus. Mais l'homme qui fut le plus utile aux pauvres incendiés, après leur évêque, ce fut M. Clément, trésorier de la cathédrale, frère et oncle de M. Clément, conseiller au Parlement de Paris. Il estimait particulièrement le curé de Courgis, et il lui en donna des marques en cette occasion, de la manière la plus agréable à ce bon pasteur, en secourant ses paroissiens. Le curé ne s'en tint pas là. Il fit un voyage à Paris pour leur procurer des secours plus abondants. Il y fut recommandé par M. Clément et y séjourna près de 3 mois, avec d'autant plus de sécurité que son troupeau n'était point abandonné à des mercenaires. Le digne chapelain, M. Foinat, célébrait la messe, car Thomas R. n'est pas prêtre. Ce dernier faisait les catéchismes et de pieuses lectures, pour tenir lieu des sermons de son frère aîné. Ce fut au moyen de ses secours, des prêts que fit généreusement M. Deschamps-Père, receveur d'étail à Auxerre et seigneur de Courgis, que le village fut rebâti, et qu'on préserva les habitants de la mendicité, du vagabondage, qui les aurait à jamais perdus pour eux-mêmes et pour l'État. Le curé de Courgis a eu des ennemis, mais ils n'ont jamais osé lever trop haut la tête. La conduite du pasteur étant non seulement exempte de tout reproche, mais de la moindre indiscrétion. C'est un moyen infaillible pour faire taire la calomnie, et les jeunes curés ne sauraient être trop attentifs à le mettre en usage. Aujourd'hui, plus que sexagénaire, le digne pasteur semble redoubler de zèle, à mesure qu'il approche du terme heureux qui doit couronner ses travaux. Il a été considéré des successeurs de M. de Quélus comme il l'était de ce prélat, mais il en est moins connu. D'ailleurs, M. de Quélus était pour lui un second père et un tendre ami. Ses paroissiens lui font pourtant un reproche, c'est de rendre trop longs les offices et les instructions. Ce reproche pourrait être fondé, et quoique le motif du respectable curé soit d'empêcher par là les amusements frivoles ou dangereux, et de faire employer pour Dieu les jours qui lui sont consacrés, peut-être devrait-il penser que les hommes ne sont pas des anges, et qu'il faut accorder quelque chose à l'humaine faiblesse. Au reste, son motif est si excellent qu'on ne peut y reconnaître qu'un ministre des autels pénétré de ses devoirs, et qui ne respire que pour les remplir dignement. Qu'il me soit pourtant permis de citer ici en opposition, pour ce dernier article seulement, la conduite du vénérable Pinard, ancien curé dans la jeunesse de mon père. C'est tous les jours qui parle dans l'école des pères. On voyait autrefois à Nitrie des courses sur le préau, des luttes, des danses. Le bon curé Pinard, le maître d'école Berthier, ne déclamait pas contre ces jeux, ni même ces danses des dimanches et fêtes, quoiqu'elles se fissent entre garçons et filles. Jamais il ne s'y passait rien de malhonnête. Des enfants, accoutumés à se voir ensemble à l'école, au catéchisme, ne font pas de sottises quand ils se trouvent à se divertir les uns avec les autres. Cela est bon pour ces pays où l'on séquestre les filles, où on les élève à part, comme si on les destinait à en faire des recluses. Aussi, qu'en arrive-t-il? C'est tout comme si l'on bande bien fort la corde d'une arbalète. L'échappée sera d'autant plus violente qu'on l'aura reculée plus loin. Quand des jeunes gens comme cela peuvent se joindre, ils font mal, ce me semble, pour profiter de l'occasion. Aussi jamais notre bon curé ne voulut-il entendre à la séparation des écoles que quelques bourgeois de Noyers, établis à Nitrie, avaient demandé. Et je peux dire que s'il y a encore quelques retenues parmi notre jeunesse, c'est à nos écoles communes qu'on la doit, et à l'habitude qu'ont les garçons et les filles de se voir à tout moment. Je sais bien que dans les villes, cela ne produirait pas le même effet. Mais c'est que dans ces pays-là, les femmes et les jeunes filles sont des friandises, où l'on est toujours tenté de toucher. Leurs habits, leurs affutios servent de sucre et de miel. Les jeunes garçons même ne sauraient les voir, sans qu'ils leur viennent des désirations, que l'habitude n'affaiblit pas, à cause qu'elle varie leur mode de manière qu'elle leur offre presque tous les jours des physionomies nouvelles. Une femme de ville peut, avec le secours de sa seule coiffure, prendre en un jour 5 à 6 visages différents. Que sera-ce donc avec le reste de sa parure, avec le rouge, pour celles qui en mettent, et les autres brimborions qui les réparent, et dont un des nôtres, qui a été laquais à Paris, m'a fait l'énumération. Ainsi les hommes des villes épousent 20 femmes dans une seule. Au lieu que chez nous, une fille est toujours la même, ses atours des dimanches n'étant pas assez recherchés pour nous la rendre tout autre. Si bien donc, pour revenir que dans nos villages, il est parfaitement inutile de séparer les filles des garçons dans la jeunesse, et ce ne serait que les faire penser malice quelques années plus tôt. On jouait donc à différents jeux. Les hommes regardaient et formaient un grand cercle autour de nous. Il n'aurait pas fallu que dans ces amusettes où étaient des filles, on eût bronché devant des témoins pareils. Bien loin que notre curé trouvât mauvais que les hommes passassent leur temps à voir ces divertissements, il les y excitait. « Allez, allez, disait-il, voir courir la jeunesse. Votre assistance fera que ces jeux seront toujours des jeux innocents. Je ne saurais être partout. Où je ne suis pas, chaque père de famille doit se regarder comme mon lieutenant. » De cette façon, le jeune âge prenait le dimanche un honnête exercice, et les hommes s'amusaient. La gaieté brillait sur tous les visages, et chacun le soir s'en retournait content. Aujourd'hui que tout cela n'est plus, notre jeunesse tient des brelans secrets, où il ne se dit et fait que des vilainies. Le curé Pinard n'était pas si dévot que le curé de Courgis, qui est presque le seul homme apostolique qui soit encore dans ses environs. C'était un ministre indulgent, portant son âme sur ses lèvres, la bonté dans les yeux et tous ses paroissiens au fond de son cœur. Si vous eussiez vu les habitants autour de lui, les fêtes et dimanches, en sortant de la grand-messe, comme il les accueillait, comme il s'informait de leur famille, vous eussiez dit « Voilà un père au milieu de ses enfants. Peut-être est-il trop bon, peut-être quelque méchant abuse-t-il de sa bénignité, mais sûrement les cœurs droits doivent en aimer davantage leur religion et leurs devoirs. Charles, je me souviens de ces dernières années. Oh, comme la religion était respectable sur ce front content et tranquille, que cette tête chenue et grise inspirait de vénération. Le peu que je vaux, après Dieu, je le dois à la mémoire de cet homme, et de son digne second. Il ne souffrait pas de procès entre nous. Ses successeurs en ont eux-mêmes intenté. Il les accordait toujours, et discernait à merveille le vrai du faux, parce qu'il nous connaissait tous. Ses prières à l'église et ses instructions étaient courtes, mais comme il les faisait, quelle effusion de cœur dans ses prônes! Je me souviens d'un tout entier qu'il nous fit un dimanche d'août. Toute la nuit, il avait plu. Le dimanche, il fit beau, et on avait prié d'avancer la messe, pour qu'on pût aller tourner les javelles et mettre les gerbes en état d'être liées le soir. Il ne monta pas en chair, mais descendant seulement au bas du sanctuaire, il nous dit « Mes enfants et ceux du bon Dieu, je vous exhorte à aller tous lier vos gerbes par ce beau temps. Vous êtes sous la loi de la faveur, sous le joug léger de la céleste bonté. Rendez-lui grâce. Il n'aurait pas été permis au peuple soumis à la loi de Moïse de violer ainsi le sabbat. Mais nous, enfants de la régénération, nous sommes délivrés de la lettre qui tue et de ses assujettissements. Pour obligation unique, notre Dieu nous impose un devoir qui rapporte au centuple, c'est celui de l'aimer. Et au frère, l'amour de Dieu nous rend, dès cette vie, paisible, satisfait. L'amour de nos frères fait que nous en sommes aimés à notre tour. Nous donnons, l'on nous donne, ô mes enfants, aimons-nous. J'invite ceux qui n'ont point de récolte coupée à offrir leurs bras aux autres. Cette œuvre vaudra mieux que d'assister à l'office. Mes enfants, on sonnera les vêpres, mais n'y venez pas aujourd'hui. Unissez-vous seulement à moi par une bonne pensée, car je veux les dire au nom de mes enfants, prosternés aux pieds de ces fonds sacrés, où j'ai reçu vos promesses à tous d'être fidèles à Dieu. Notre bon recteur d'école, votre second père, et quelques vieillards feront cœur avec moi. Mes enfants, que le bon Dieu ratifie la bénédiction que je vous donne en son nom. Les instructions qu'il faisait à la jeunesse étaient toujours proportionnées à notre esprit. Il leur donnait un ton d'évidence, de raison commune, qui persuadait de tout ce qu'il disait. Lorsqu'il traitait un point de morale, il nous demandait à tous notre sentiment sur l'avantage qu'il devait procurer aux hommes. Il l'exposait si clairement que les plus bouchés donnaient leur décision. Ensuite, il répétait ce que chacun avait dit, en corrigeant, augmentant et mettant dans le plus grand jour la pratique de la vertu morale. Je crois que voilà le vrai curé de campagne. Mais tous les hommes ne voient pas de même, et d'ailleurs, je n'ai pas la hardiesse de vouloir donner des leçons à mon digne aîné. Il a plus d'esprit, de lumière, d'expérience que moi, et je présume que la route qu'il a prise est la seule qui convienne à la trempe d'esprit de ses paroissiens. Le même régime ne convient pas à tous les malades. Thomas R., plus jeune de quelques années que le curé de Courgis, est un de ces caractères heureux tels qu'on nous peint les hommes de l'âge d'or. La candeur et la modestie siègent sur son front, et dès qu'il a parlé, on se sent porté à lui donner toute sa confiance. Ce digne ecclésiastique est si humble qu'il n'a jamais voulu accepter l'ordination que M. de Quélus lui a fait offrir plusieurs fois. Ce prélat a été jusqu'à lui faire écrire « Je vois ce qui vous retient, parce que vous êtes inférieur à votre frère aîné. Vous vous croyez incapable. Mais mon cher fils, je n'ai pas trois sujets dans mon diocèse comme votre aîné. Supposez que j'en ai deux. Il ne faut pas le prendre pour comparaison. On peut lui être de beaucoup inférieur et être encore très digne. Je vous invite à vous rendre, sinon je vous déclare en qualité de votre évêque que vous rendrez compte à Dieu du talent qu'il vous a confié pour le salut des âmes. » Ces paroles épouvantèrent Thomas R. Mais le curé, qui était charmé de le garder, alla répondre pour lui à Régène. Il exposa l'utilité dont lui était son frère pour l'instruction des enfants dans une paroisse nombreuse, etc. Mais il n'a pas d'établissement. Il n'en désire pas. Dieu est le père de tous les hommes. Cette réponse désintéressée fut admirée du prélat, qui ne répondit qu'en envoyant sa bénédiction pastorale au vertueux clerc qui préférait être le dernier dans la maison du Seigneur à tenir le premier rang dans les palais des méchants. Ce serait sortir de la simplicité du sujet que d'en dire davantage sur Thomas R. D'ailleurs, la crainte que cet ouvrage ne tombe entre les mains des deux respectables frères m'empêche de m'étendre autant que je le désirerais. Après m'être satisfait par un mot d'éloge, je veux leur complaire en gardant le silence. Barbe Ferlet a survécu 8 ans à son mari. Elle est morte en 1772, au mois de juillet. Nous en avions agi à son égard, comme notre vénérable père avait fait à l'égard de sa mère, en lui abandonnant d'un commun accord l'administration de tout ce qui nous revenait, et elle en a joui jusqu'au dernier moment. Fin.